Bonsoir, messieurs, dames. Ici François Gécouillard pour l'émission Le Cirque Aquatique Magique. C'est pour moi une grande jouissance de succéder à Blaise Carrier-Chouinard de l'émission La Caresse. Cette émission est dédiée à la bonne musique. En fait, semaine dernière, se terminait le festival Country de Saint-Tite, le plus grand festival country au Québec. Alors, c'est pourquoi on va faire aujourd'hui un spécial Country. Et on va commencer avec probablement le plus grand de nos chanteurs country québécois, Réal V. Benoît. Il va y avoir deux thèmes en plus aujourd'hui, dans ce bloc-là, dédié à Réal V. Benoît. Il y a le thème country et il y a le thème pauvreté. Parce que hier, il y avait une manifestation contre le plan anti-pauvreté du gouvernement. Il y a la coalition Québec pour un Québec sans pauvreté qui a brûlé les plans du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Ils ont tout simplement déposé les photocopies du plan à l'intérieur d'une déchiquetrice. Déchiqueteuse, ouais, c'est ça. Et apparemment qu'ils auraient lancé les résidus sur les gardiens de sécurité. Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça très drôle. Alors, petite spéciale country, pauvreté. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique à Sequoia 88.3. On a du plaisir. On a de l'agrément. Pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre, pau La dette du tiers-monde. Que dire de la dette du tiers-monde? C'est le plus gros moyen qu'on ait trouvé pour coloniser le tiers-monde. Qui t'oblige à payer chaque année les impôts du revenu? Qui est-ce qui a monté contre nous, ces messieurs les curés? Qui remplit à chaque jour nos bureaux du bien-être social? Qui gaspille à mesure les argents que nous autres on ramasse? Les Christophos, les mythes, les galus, les ratés, les cassés de partout. Oui, les Christophos, ceux qui ont jamais rien su faire dans vie, ceux qui ont jamais un sou, ceux qui nous empêchent d'être heureux et de faire tout ce que l'on veut. Qui crie s'il se promène en arrière en gros char sur la rue? Qui se plaint de tout ce qui paraît se passe dans la haute entre nous? Qui est-ce qui reste dans la saleté et veut jamais travailler, espérant quand même jouir de tout ce qu'on donne à nos héritiers? C'est les Christes pauvres, les miteux, les galeux, les ratés, les cassés de partout. Oui, les Christes pauvres, ceux qui ont jamais rien su faire dans vie, ceux qui ont jamais un sou, ce qui nous empêche d'être heureux et de faire tout ce que l'on veut. Si pouvais-tu s'assire dans le coin, ben tranquille, sans rien dire? Si pouvais-tu nous laisser en paix une bonne fois ou mourir? On pourrait enfin ce que l'on veut quand on veut, tout au moins, sans se préoccuper de plaire ou déplaire à nos voisins. Sans ces Christes pauvres, ces miteux, ces galeux, ces ratés, ces cassés de partout. Oui, ces Christes pauvres, ceux qui ont jamais rien su faire dans vie, ceux qui ont jamais un sou, ceux qui nous empêchent d'être heureux et de faire tout ce que l'on veut. Oui, nous empêchent d'être heureux, Christes pauvres. La comptabilité de l'État, c'est quelque chose de bien drôle. C'est comme si votre courtier, au lieu de vous dire qu'est-ce qui est arrivé avec votre argent dans l'année, il vous disait combien ça lui a coûté à lui pour le gérer. Ça peut vous intéresser, là, puisqu'il vous l'a chargé. Mais vous voulez savoir ce qui est votre compte. Le gouvernement, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Les états financiers du gouvernement nous disent rien sur les budgets collectifs, sur les avoirs collectifs. Ils nous disent pas ce qui est rendu notre forêt, puis ce qui est rendu, sont rendus nos mines. Ils nous disent pas ça. Ils nous disent, cette année, ça m'a coûté 55 milliards pour gérer vos biens. Oui, ben je veux bien, là, mais ils sont rendus où? Hier, j'ai été mené ma TV 5 pour faire réparer. Je retourne pour aller la chercher comme il m'a demandé. Il me présente un bill 32,5 $ sans parler de morceaux. Mais soudain, moi-même, son époux, baptême, c'est le pile bobo. Ça peut pas marcher, ça marchera jamais. On nous charge deux fois le prix qu'on gagne $1 pour faire quoi que ce soit. C'est toujours comme ça, partout ce que tu vas, dans tout ce que tu fais. et ça marchera jamais. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Le lendemain, j'amène mon char au garage pour faire vérifier. Un char, c'est normal, des fois ça va mal, il faut bien y aller. Il me présente un bill 60,5 $, sans parler du morceau. Me suis dit à moi-même, j'ai raison, barin, mais c'est là qu'il va beau. Ça peut pas marcher, ça marchera jamais. On nous charge 3 fois le prix qu'on gagne de l'heure pour faire quoi que ce soit. C'est toujours comme ça, partout ce que tu vas. Dans tout ce que tu fais, ça peut pas marcher, ça marchera jamais. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Si tu t'ouvres les yeux et tu regardes un peu de quoi t'es entouré, tu t'aperçois vite que ce que tu fais vivre vaut plus cher que toi. Si tu fais le calcul, je n'ai deux, j'en dois 4, t'arrives moins que 0. Tu te dis à toi-même, y'a raison, bah ben, mais c'est là qu'il est le bobo. Ça peut pas marcher, ça marchera jamais. On nous charge 3 fois le prix qu'on gagne de l'heure pour faire quoi que ce soit. C'est toujours comme ça, partout ce que tu vas. Dans tout ce que tu fais, ça peut pas marcher, ça marchera jamais. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, Réal V. Benoît. Un hymne anticapitaliste, si vous avez pris garde aux paroles. Vous êtes rendu compte qu'il parlait en fait du salariat, il parlait du capitalisme, dans le fond, la plus-value. Les patrons qui s'engraissent sur la sueur des employés. Ah, c'est ça, Réal V, c'est vraiment un mineur de l'Abitibi, un ex-mineur. Il n'a jamais connu le succès commercial qu'il espérait. Et il fait encore des albums. Là. Il a sorti un album récemment avec son ami d'enfance, Claude Knight. Et il y a une anecdote très drôle avec ça. C'est que les deux hommes se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes. Et ils ont chacun marié la sœur de l'autre. Voilà comment ça se passe dans ce coin-là. Mais on n'aurait absolument rien contre ça. Oh non, on l'aime, Réal V. Benoît. On a beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Et la pièce juste avant, c'était Crise de pauvre. Vous avez compris ici que Réal faisait dans l'ironie. Non, non, il aime beaucoup les pauvres lui-même. Et il y en est un en quelque sorte. Et juste avant la première pièce, c'était Pauvre Pauvre. Donc un spécial country pauvreté aujourd'hui. Oui, monsieur. Premier bloc consacré à ce poète du terroir, Réal V. Benoît. Qu'il faut connaître absolument. Absolument, absolument, absolument. Et c'était entrecoupé d'extraits des publications universitaires. Je crois que l'invité, c'était André Breton, qui parlait comme ça de la dette. Il a écrit un bouquin là-dessus. Et puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous offrir un spécial country en l'honneur du Festival de Saint-Tite qui s'est terminé la fin de semaine dernière. Alors, on va écouter justement une entrevue que j'ai faite à Saint-Tite avec Hugues, qui est propriétaire de Taureau Mécanique depuis 10 ans. Ça va être bon. Alors, vous allez monter le son, s'il vous plaît. Vous allez me faire le plaisir aussi de décrocher le téléphone et de me téléphoner pour donner votre appréciation. 529-9026. Je sais qu'il est tard, mais il est encore temps de danser. Oh!

Chavette, une chanson qui est triplement d'actualité. Premièrement parce que, évidemment, c'est dans le thème du Festival de Saint-Tite. C'est une chanson country. Deuxièmement, c'est une chanson pour dire de slacker un peu la pédale de gaz. Et donc, d'avoir un comportement plus éco-responsable, qu'on pourrait qualifier. Et cette semaine, il y avait aussi la journée sans ma voiture. Alors, ça disait comme ça, d'arrêter de prendre son char. Alors, on pourrait croire à première vue que ce serait une chanson écologique, mais non, pas du tout. Ceux qui ont tendu l'oreille aux paroles se sont rendus compte que c'était plutôt une pièce d'un gars qui s'appelle... Bobby B. Baker. C'était une réponse à la pièce « Take this job and shove it ». Donc, il y avait la crise des otages lors de la révolution iranienne. Et donc, il y a eu la seconde crise énergétique en 1979. Et donc, il parle de ça. Je vais cesser de consommer du gaz pour ne pas encourager les méchants iraniens islamistes. C'est ça. C'est un devoir patriotique de slacker la pédale de gaz. Et oui. C'est possible. C'est à Sequoia que vous entendez ça, messieurs, dames. Sequoia 88.3, c'est la seule radio dans tout l'univers à oser faire jouer tout ça ensemble. Spécial Country Pauvreté. Et évidemment, on a entendu une entrevue enregistrée directement à partir de Saint-Tite. C'était le fun, ça. C'était amusant. Vous êtes accompagné de François Gécouillard à l'émission Le Cirque Aquatique Magique. On a du plaisir, on a de l'agrément. Qu'est-ce qu'on va entendre bientôt? Très bonne question. Alors écoutez, pourquoi pas, on va aller écouter Capone, tiens. C'est un vinyle que Fred Carrier m'a prêté. Probablement la pochette d'album la plus étrange jamais vue de tous les temps. Capone est photographié, une guitare à la main, le pied posé sur un vieux piano poussiéreux, un chapeau noir sur la tête, un regard de tueur, une barbe pas faite depuis des semaines. Il y a une espèce de squelette sur le piano en train de jouer. Et là, c'est marqué « Le vieux chapeau noir ». Là, Capone a vraiment l'air de vouloir nous tuer. Mais, derrière la pochette, du côté où on voit les noms des pièces, il y a une jeune fille habillée tout en blanc avec une poupée. Alors, ça, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Il y a comme un clash. Une drôle de mélange. Et il y a des pièces là-dessus, ça s'appelle La Marguerite, Le Vagabond, Le Petit Clown, Je voudrais être compris, Je voudrais avec un T, Le Camionneur, Truckers Real. Et nous, on va écouter, étant donné que c'est un spécial Country Pauvreté, Le Vagabond. Je ne suis qu'un vagabond. En mono, messieurs, dames, en mono. Qui court le long des routes, qui demande l'hospitalité à celui qui voudrait bien l'aider. Un jour, ma mère m'a dit, mon fils, tu es un bon à rien. Lui ai dit, c'est ça la vie, faut l'apprendre en riant. Mais elle ne voulait pas qu'on dise que c'est un vagabond. Mais pourtant, c'est bien comme ça qu'on l'appelait dans le canton. Je ne suis qu'un vagabond qui court le long des routes, qui demande l'hospitalité à celui qui voudrait bien aider. Que les drogués, les alcooliques sont tous dératés. 529-96-26 pour changer de pièce. Mais pour moi, c'est ça la vie, pour l'apprendre en riant. Dans la vie, j'ai bien essayé de faire comme les autres, mais pour moi, ça n'a pas marché. C'est alors que j'ai décidé. Je ne suis qu'un vagabond qui court le long des routes, qui demande l'hospitalité à celui qui voudrait bien l'aider. Et là, il nous a écrit pour nous dire que lui, son gros trip, c'est d'appeler sur les lignes érotiques 1-976 et après quoi, il se masturbe avec des poulets. Ben, en fait, on peut pas appeler ça masturber, il fait l'amour à ses poulets. Ouais. C'est un peu ça. T'sais, il dit que sa femme ne le satisfait plus, puis lui, que ça fait son bonheur de baiser des poules. Alors, ou des poulettes. Mais c'est pas du fétichisme, hein, on s'entend, ça serait plus de la zoophilie, en fait. Là. Ouais. Mais ce qu'on sait pas dans l'histoire, c'est si le poulet est toujours vivant ou s'il est en mode « j'attends la cuisson ». Est-ce que ça va être trois meilleures places pour Chopin, ce bout de site? T'en as pour ton argent si tu veux. tigre, Walmart tigre géant, Canadian Jersey, c'est un bon investissement. Ce sont les trois seules places pour sauver d'argent. Tigre, Walmart tigre géant, Canadian Jersey, t'en as pour ton argent. Si tu veux sauver beaucoup d'argent, c'est au tigre Walmart tigre géant. C'est au tigre Walmart tigre géant. Sur le coin, il y a un cabaret où je vais tous les soirs pour essayer d'oublier un amour sans espoir. Mes yeux regardent dans le vide, mais je ne vois plus rien. Avec un verre sur la table et ta photo dans ma main. Un verre sur la table et ta photo dans ma main. Pourquoi t'ai-je perdu? Je n'y comprends plus rien. J'ai dit que je t'oublierai, mais j'espère bien en vain. Avec un verre sur la table et ta photo dans ma main. Il y a de la musique très forte, mais je ne l'entends pas. Quand je regarde ta photo, je suis là dans tes bras. Les couples autour de nous sont tous heureux et pleins d'entrain. Mais moi je suis seul et triste, avec ta photo dans ma main. Un verre sur la table et ta photo dans ma main. Pourquoi t'ai-je perdu? Je n'y comprends plus rien. J'ai dit que je t'oublierai, mais j'espère bien en vain. Avec un verre sur la table et ta photo dans ma main. Avec un verre sur la table et ta photo dans ma main. Tigalo, Tigalo, Tigalo, j'entends venir la gendarmerie. C'était André Clavier lui-même qui nous chantait Un verre sur la table. André Clavier qui était présent d'ailleurs au Festival de Saint-Tite et que j'ai vu en personne. D'ailleurs, l'album que j'ai dans les mains s'appelle Collection numéro 1. Ça contient 3 CD de la collection, ça fait de la carrière de 35 ans de carrière d'André Clavier. Excellent jeu de mots, jeu de... Excellent nom de famille, tu sais, clavier. Il y en a un autre qui s'appelle André Guitare. Quand c'est ton instrument de prédilection, pourquoi n'en pas en faire ton nom de famille? Et... Un verre sur la table, donc une pièce triste. J'ai acheté cet album-là du beau-frère lui-même, d'André Clavier. J'étais assez fier de le rencontrer. Et là, sur la pochette que j'ai dans les mains, il y a évidemment des belles fautes d'orthographe. La quatrième pièce s'appelle « Du, c'est beau ». D-U-E. On comprend pas. Suivi de... Au coin du sel, C-E-L. On sait pas trop si c'est ciel ou cellulaire, sel. Quoi d'autre? Un bel album. André Clavier, des beaux classiques. Si vous le voyez, achetez-y donc un album parce que ça gagne pas cher, ces gens-là. Ils font ça avec cœur et avec amour. Juste avant, c'était Frac avec C'est pas cher, une chanson dédiée aux magasins qu'on aime, Walmart, Canadian Tire et Tigre Géant, les endroits où on peut sauver de l'argent. Frac, c'est le chanteur country qui chante le plus les vraies affaires. Chante le Viagra, les danseuses, l'alcool, les cigarettes et le café qui, le matin, nous aident à aller aux toilettes. Des chansons comme ça qui nous parlent des vraies choses. Frac, il n'hésite pas et il se lance. Il y a un beau groupe Facebook dédié à Frac, d'ailleurs, F-R-A-C-C. Et la première pièce du bloc, c'était Capoune et le Vagabond. Une fabuleuse pièce en mono, tirée d'un vinyle aussi étrange qu'incompréhensible. Aujourd'hui, spécial Country Pauvreté, dédié au plan contre la pauvreté du gouvernement libéral. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique en compagnie de François Chicouillard. Et on va maintenant écouter un petit bloc consacré au country local. Commençons avec Faber, un coyote et les chasseurs de primes avec Chuton Cowboy. 529-9026 pour faire des commentaires. See you. Et si, je sais pas moi, la pharmacie du coin offre 36 rouleaux de papier de toilette pour 30 piastres, mais à l'unité, il coûte chacun 2 piastres, le pauvre, il ne peut pas se permettre ça, lui, de profiter de l'occasion, de profiter de l'offre qu'on fait en autant qu'il débourse 30 piastres. Il est obligé de l'acheter à l'unité. Ça coûte plus cher. Ce qui me fait dire dans le livre, ça coûte cher d'être pauvre, malgré qu'on fasse des beaux discours sur la lutte à la pauvreté. Des ceux et ceux qui sont bien instruits, qui ont été à l'école. Moi, c'est parce que j'y étais seulement 3 jours, puis la maîtresse était malade, donc j'ai pas resté plus longtemps. I'm that I'm no good, that I would settle down if I could. But when that open road starts calling me, there's something over here that I Rambling Man, qui est une reprise. C'était repris par Mac Lanegan et Isabelle Campbell. Une pièce qui m'a été suggérée par Fred Carrier, qui chantait justement la pièce juste avant Des Inquiets. Oh bébé, pourquoi est-ce que je t'aime de même? Et la première pièce du bloc, c'était Ça coûte cher d'être pauvre. Il y avait Claude Bellan qui parlait, qui disait que ça coûte cher d'être pauvre. Et juste avant, c'était Felfeber, un coyote, chute en cowboy. Chanteur country de Lévis, qui est en train de travailler actuellement sur un film sur Hank Williams. Ça s'appelle Hank est en ville, hankestenville.com. Allez voir ça pour plus d'informations. Il y a besoin de votre support pour financer le film. Vous êtes en compagnie de François Gécouillard. Le Cirque Aquatique Magique, c'est ma dernière intervention avec vous. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner dans cette nuit torride à la radio de la bonne humeur. C'est CKIA 88.3 sur votre cadran. Et puis la semaine prochaine, j'avais le goût de faire un petit spécial Scientologie. Parce qu'imaginez-vous donc que j'ai reçu un beau dépliant, un beau questionnaire rose de l'église de Scientologie. C'est marqué « Remplissez ce test de personnalité et obtenez une analyse personnalisée gratuitement. » Remplissez simplement ce questionnaire et envoyez-nous-le. Un évaluateur expert vous donnera une analyse des résultats de votre test. Et cela, sans obligation de votre part. Oh là là! Et c'est seulement 200 questions à remplir. Seulement 200. Et je vais vous en lire quelques-unes parce qu'elles sont tous plus bizarres les unes que les autres. La question 72, c'est Êtes-vous inquiet à l'idée de perdre votre dignité? La question 117. Avez-vous parfois la sensation que vous parlez trop? La 118. Est-ce que vous souriez beaucoup? La question 146. Avez-vous tendance à faire du rangement chez quelqu'un dont le domicile est en désordre? Question 179. Les gens vous malmènent-ils? Ouh là là! 200 questions de la scientologie à remplir quand on a 4 ou 5 heures de trop à perdre dans une journée. Merveilleux. Donc la semaine prochaine, surveillez ça. Spécial Scianto. Et puis, c'est ça. J'avais le goût de vous dire au revoir et de vous laisser sur une pièce d'Aldéi Duguay, le petit gars de Chipagan. La pièce s'intitule « Pourquoi pleures-tu? » C'est d'ailleurs la question numéro 26 sur le questionnaire. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. C'était un plaisir. Oh, qu'on a du plaisir. Sur le bord de la route, une petite fille qui marchait en pleurant. J'ai arrêté dans ma grande surprise, et tendrement je lui ai demandé: dis-moi pourquoi pleures-tu mon enfant? Et voilà ce qu'elle m'a raconté. Je n'ai que 9 ans et demi. Mon papa, je ne l'ai pas connu. Je n'avais que maman sur la terre. Et ce matin, le bon Dieu me l'a pris. Que vais-je faire maintenant seul au monde? Je voudrais que tu me prennes moi aussi. À cet instant, elle s'est mise à pleurer, et près de moi, je la fis monter. Alors je l'ai amenée chez moi, je ne pouvais supporter sa douleur. Mon épouse était folle de joie.